Chapitre 27 De la réception que fit Rudiger. Le margrave alla trouver les dames, sa femme et sa fille, et leur dit aussitôt l'heureuse nouvelle qu'il avait apprise, que les frères de leur reine allaient arriver en sa demeure. « Mon épouse bien-aimée, dit Rudiger, vous recevrez gracieusement les nobles rois avec leur suite quand ils arriveront dans la cour. » Vous saluerez aussi avec affabilité Hagen, l'homme de Gunther. Un guerrier l'accompagne qui se nomme Dankwart et un autre qui s'appelle Volker, doué de grands talents. Vous et ma fille les embrasserez tous les six et vous les entourerez de prévenances courtoises. Les femmes le promirent. Elles étaient prêtes à le faire. Elles cherchèrent dans les coffres les habits magnifiques qu'elle voulait mettre pour aller à la rencontre de ses seigneurs. Grande hâte fut faite par maintes belles dames. On ne voyait guère aux femmes de couleurs empruntées. Elles portaient sur leur tête de brillants diadèmes d'or qui formaient de riches coiffures afin que le vent ne dérangeât pas leurs beaux cheveux. Elles étaient éblouissantes de beauté. Laissons là les femmes très occupées de ces soins. Les amis de Rudiger firent grande diligence dans la plaine pour aller trouver les princes. Ceux-ci furent bien reçus dans le pays du margrave. Quand le margrave les vit approcher, joyeux, il parla à ses hôtes chéris. « Que vous et vos hommes soient les bienvenus, seigneur. C'est avec grand bonheur que je vous vois ici en ma terre. » Les princes s'inclinèrent avec confiance, sans nulle haine. Ils montraient bien à quel point ils leur étaient dévoués. Il salua particulièrement Hagen, qu'il avait connu jadis. Il en fit autant à Volker, du pays Burgonde. Il reçut aussi Dankwart, mais ce brave guerrier prit la parole. « Puisque vous voulez bien nous accueillir, qui donc prendra soin de nos gens que nous avons amenés avec nous ?» Le margrave répondit « Reposez en paix cette nuit. On veillera bien sur tout ce que vous avez apporté avec vous en ce pays, chevaux, argent et habillement. » J'établirai si bonne garde que rien ne sera perdu, rien, pas même pour la valeur d'un demi-éperon. Vous, varlets, dressez les tentes dans la plaine. Je suis garant de tout ce que vous perdrez ici. Enlevez les brides, laissez les chevaux en liberté. Peu d'hôtes les avaient aussi bien reçus. Les étrangers s'en réjouirent. Quand tout fut bien disposé, les chefs partirent de là. Tous les serviteurs se couchèrent sur l'herbe, où ils goûtèrent un bon repos. Je crois que durant leur voyage, ils ne s'étaient jamais trouvés si bien. La noble margrave s'était avancée devant le bourg avec sa fille charmante. Autour d'elle se tenaient des femmes très aimables et maintes jolies vierges. Elle portait des vêtements magnifiques et beaucoup de joyaux. Les nobles pierreries de leurs riches costumes jetaient au loin leur éclat. Elles étaient très bien mises. Voici venir les étrangers, qui aussitôt mirent pied à terre. Ah, quelle façon courtoise déployèrent les Burgondes ! 63 vierges et maintes autres dames, dont le corps était fait à souhait, s'avancèrent au-devant d'eux avec un grand nombre d'hommes vaillants. Que de gracieux saluts furent faits à ces nobles femmes ! La margrave baisa les trois rois et ainsi fit sa fille. Hagen se tenait à côté d'eux. Rudiger dit à sa fille d'embrasser le guerrier. Elle le regarda et le trouva si effrayant qu'elle eût désiré s'en abstenir. Mais elle dut accomplir ce que son père commandait. Elle changeait de couleur et devenait tour à tour à la fois rouge et pâle. Elle baisa aussi Dankwart, puis le joueur de viol. Cet honneur lui était fait à cause de la force de son bras. La jeune margrave prit par la main le jeune Giselher du pays des Burgondes. Ainsi fit sa mère pour Gunther, l'homme hardi. Elles amenèrent les héros avec grande joie. L'hôte, marchant à côté de Gernot, s'avança vers une très grande salle. Là, tous, dames et chevaliers, s'assirent. On fit verser aux étrangers le meilleur vin. Jamais héros ne furent aussi bien traités. Chacun fixait les regards ravis sur la fille de Rudiger. Elle était si bien mise. Main bon chevalier lui déclara son amour en pensée, et certes, elle le méritait, car son âme était élevée et pure. Mais ce qu'ils espéraient ne pouvait se réaliser. On voyait de toutes parts dames et demoiselles, il y en avait un grand nombre. Le noble ménestrel portait un cœur dévoué à Rudiger. On se sépara alors suivant la coutume. Dames et chevaliers allèrent d'un côté différent. On dressa les tables dans la vaste salle, puis on servit magnifiquement les étrangers inconnus. Par affection pour ses hôtes, la noble margrave se rendit à table. Elle laissa sa fille près des enfants où il lui seyait de rester. Vraiment, les étrangers regrettèrent de ne pas la voir. Quand ils eurent suffisamment bu et mangé, on introduisit de nouveau les belles dans la salle. Les mots plaisants ne furent pas épargnés. Volker parla beaucoup. C'était un guerrier brave et habile. Le vaillant joueur de viol dit à haute voix: « Ô très puissant margrave, Dieu en a agi miséricordieusement avec vous, car il vous a donné une femme véritablement belle et une vie bien heureuse. Si j'étais prince, ajouta ce guerrier, et si je portais la couronne, je voudrais obtenir votre charmante fille. Voilà ce que mon cœur souhaiterait. Elle est ravissante à voir et avec cela noble et bonne. » Le margrave répondit: « Comment se pourrait-il que jamais roi recherche à ma fille bien-aimée ? Nous sommes exilés tous deux, ma femme et moi, et n'avons rien à donner. À quoi peut servir sa beauté ? » Gernot répliqua, cet homme aux façons gracieuses: « Si j'avais à choisir une amie à mon gré, certes, je serais toujours heureux d'une pareille épouse. » Alors Hagen parla très courtoisement. « Monseigneur Dieselherr doit songer déjà à prendre femme, et la jeune margrave est de si haute lignée que moi et tous ses hommes la servirions volontiers. Il faut qu'elle vienne chez les Burgondes, la couronne en tête. » Ce discours plut fort à Rudiger et aussi à Götelind. Elle s'en réjouissait dans l'âme. Bientôt après, les guerriers firent en sorte que le noble Giselher la prit pour femme, car elle convenait bien à un roi. Qui peut résister à ce qui doit s'accomplir ? On pria la jeune fille de se rendre à la cour, et on accorda par serment la Vierge charmante au prince. Lui, à son tour, promit d'aimer cette personne digne de toute tendresse. On assigna à la jeune femme des bourgs et des terres. La main du noble roi et du sire Gernot le confirma par serment. Voilà ce qui fut fait. Le margrave prit la parole. « Puisque moi je n'ai point de bourg, je vous serai du moins dévoué avec fidélité et constance. Je donne à ma fille de l'or et de l'argent, autant que 100 bêtes de somme en peuvent porter à grand-peine, afin que cela puisse satisfaire honorablement ce héros. » On les fit se tenir tous deux dans un cercle, suivant la coutume. Maints jeunes hommes d'humeur joyeuse étaient placés en face d'eux. Ils réfléchissaient en eux-mêmes, comme le fait souvent la jeunesse en pareil cas. Quand on se mit à demander à l'aimable vierge si elle acceptait le guerrier, elle en fut à moitié attristée. Pourtant, elle pensait à choisir le beau jeune homme, mais cette question effarouchait sa pudeur, ainsi qu'il arrive à plus d'une vierge. Son père, Rudiger, lui conseilla de dire oui et qu'elle l'acceptait volontiers. Aussitôt le jeune Giselher s'avança vers elle et lui prit ses blanches mains. Combien peu elle jouit de sa présence. Le margrave parla. « Ô nobles et puissants rois, quand vous retournerez en Burgondie, suivant la coutume, je vous donnerai mon enfant, afin que vous l'emmeniez avec vous. » Ils le promirent. Grands furent les cris de joie, mais il fallut cependant y mettre fin. On engagea la jeune femme à se retirer en sa chambre et les hôtes à dormir en repos jusqu'au jour. Alors on prépara des vivres. Rudiger les traita avec la plus grande bonté. Quand ils eurent pris leur premier repas, ils voulurent repartir vers le Jutland. « Certes, je m'y opposerai, dit le noble chef. Vous resterez encore ici, car rarement j'ai eu chez moi des hôtes qui me fussent aussi chers. » Dankwart répondit. « Cela ne peut être. Où prendriez-vous les vivres, le pain et le vin, si vous deviez avoir encore aujourd'hui tant de gens à nourrir ?» Quand Rudiger entendit cela, il répliqua. « Laissez là ce discours. Non, mes très chers seigneurs, vous ne refuserez pas. Je vous donnerai bien les vivres pendant 14 jours, à vous et à toute la troupe qui vous a accompagné. Le roi Hetzel ne m'a encore rien pris jusqu'à présent. » Ils eurent beau s'en défendre. Il leur fallut rester là jusqu'au 4e matin. Le généreux margrave fit des choses dont on parla au loin. Il donna à ses hôtes et des chevaux et des vêtements. Cela ne pouvait durer plus longtemps. Il devait partir. Rudiger, le vaillant, en ses grandes largesses, n'épargnait rien. Quoi qu'on désirât, il l'accordait à chacun. Tous avaient lieu d'être satisfaits. La noble suite amena devant la porte un grand nombre de chevaux tous sellés. Maints chefs étrangers s'avancèrent, portant le bouclier à la main, car ils voulaient chevaucher vers le pays d'Etzel. Le margrave avait offert ses présents avant que les nobles étrangers vinssent dans la salle. Il pouvait vivre largement et avec grand honneur. Il avait accordé sa charmante fille à Giselher. Il présenta à Gernot une arme d'excellente qualité, qu'il porta depuis glorieusement dans les combats. La femme du margrave se réjouit de ce don, et pourtant ce fut par cette épée que depuis Rudiger perdit la vie. Il donna à Gunther, ce héros digne de louange, une armure de bataille que le noble et puissant roi pouvait porter avec honneur, quoiqu'il acceptât rarement des dons. Gunther remercia pour ce présent la main du généreux Rudiger. Götelind offrit à Hagen, ainsi qu'il lui convenait, ses dons affectueux. Puisque le roi en acceptait, il ne pouvait se rendre, lui, à la fête, sans recevoir aussi un tribut de ses mains. Pourtant, il le refusa. « De tout ce que j'ai jamais vu, dit Hagen, je ne désire rien tant posséder que ce bouclier pendu là, à ce mur. Je voudrais bien le porter à mon bras au pays d'Etzel. » Quand la margrave entendit les paroles de Hagen, elles réveillèrent ses douleurs. Elle se prit à pleurer. Elle pensait avec un intime regret à la mort de Nuodun, que Witeg avait tué. Elle ne put retenir ses gémissements. Ce fils de Rudiger et de Götelind avait été tué, suivant les traditions, au combat de Ravenne. Elle dit aux guerriers, « Je vous donnerai ce bouclier. Que le Dieu du ciel n'a-t-il permis qu'il vécût encore celui qui le portait à son bras ? Il fut tué dans le combat, je le pleurerai toujours. Hélas, malheureuse, je ne puis m'en empêcher. » La noble margrave se leva de son siège et de ses blanches mains prit le bouclier. La dame le porta à Hagen et il le mit à son bras. Ce don était offert avec honneur au héros. Une enveloppe de brillantes étoffes voilait son éclat. Jamais le soleil ne fit reluire les nobles pierreries d'un meilleur bouclier. Celui qui eût voulu l'acheter aurait bien dû payer 1000 marks. Hagen ordonna d'emporter le bouclier. Mais voici Dankwart qui se rend à la cour. La fille du margrave lui donna de riches vêtements qu'il porta chez les Yunen, l'âme joyeuse. De tous les présents qu'ils reçurent, rien ne serait venu en leurs mains sans la grande générosité de Rudiger qui les leur offrit si cordialement. Et pourtant, ils devinrent ses ennemis au point de le tuer. Volker, le très agile, alla courtoisement se placer devant Götelind avec sa viole. Il lui joua ses plus doux accords et chanta son lait. Ce fut ainsi qu'il prit congé, en partant de Berlaren. La margrave se fit alors apporter un coffret. Vous pouvez ouïr quels furent ses dons affectueux. Elle y prit 12 bracelets et les remit aux mains du guerrier. Vous les prendrez avec vous au pays d'Etzel, et pour l'amour de moi vous les porterez à la cour, afin qu'à votre retour on puisse me dire comment vous m'avez servi à la fête. » Il accomplit depuis tout ce que la dame avait désiré. Le seigneur dit aux étrangers, « Afin que vous cheminiez plus agréablement, je vous conduirai moi-même et je vous ferai respecter de telle sorte que personne ne puisse vous molester en chemin. » Les bêtes de somme furent chargées en toute hâte. Rudiger était prêt avec 500 hommes, des chevaux et des vêtements qu'il emmenait gaiement avec lui à la fête. Aucun d'eux ne revint vivant à Berlaren. Le seigneur en partant embrassa tendrement son ami. Ainsi fit aussi Giselher, comme le lui conseillait sa vertu. Ils baisaient leurs belles femmes, les tenant dans leurs bras. Depuis lors, les yeux de maintes jeunes dames versèrent des larmes. Partout les fenêtres s'ouvrirent. Rudiger avec ses hommes allait monter à cheval. Leur cœur leur prédisait d'affreux malheurs. Maintes femmes pleuraient, et aussi maintes vierges. Elles avaient grand regret de leurs amis bien-aimés, que depuis elles ne revirent plus jamais à Berlaren. Et pourtant ils chevauchaient joyeusement sur le sable, descendant la Tournouve vers le Jonenland. Le très vaillant chevalier, le noble Rudiger, parla aux Burgondes. « Annonçons sans plus tarder la nouvelle que nous approchons de la terre des Yonen. Jamais Etzel n'aura appris rien d'aussi agréable. » Le messager chevaucha rapidement, descendant à travers l'Österreich. Il annonçait partout aux gens que les héros de Worms d'Outre-Rhin arrivaient. Rien ne pouvait être plus agréable aux fidèles du roi. Les messagers apportaient donc en toute hâte la nouvelle que les Nibelungen se rendaient chez les Yunen. « Tu les recevras bien, Krimhild, ma femme, » dit Etzel. « Ils viennent à ton grand honneur, tes frères bien-aimés. » Dame Krimhild se tenait à une fenêtre. Elle attendait ses parents. Ainsi fait un ami pour ses amis. Elle vit venir maint homme de sa patrie. Le roi, également instruit de leur venue, en souriait de joie. « Quel bonheur, quel plaisir pour moi !» dit Krimhild. « Mes parents apportent avec eux maint bouclier neuf et des haubers éblouissants. Que celui qui veut prendre mon or pense à mes afflictions, et je lui serai toujours attachée, quoi qu'il en puisse arriver après. Je ferai en sorte que ma vengeance frappe en cette fête l'homme cruel qui m'a enlevé mes joies. Maintenant, j'en aurai satisfaction. »